pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, 811 rue Saint-Jean. Ninkasi.ca. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation. Alors, on a comme d'habitude un excellent choix musical de Bruno pour ce soir. Toujours le meilleur de plein de bons disques rares, souvent, ou des trucs qu'on n'a pas entendus depuis des années, dans le prog des années 90, 2000, 2010. Et il y a pas mal de bon matériel. On va débuter, justement, on va parler d'abord des spectacles, puis après ça, on va débuter en musique. Il y a King Crimson, manquez pas ça, c'est vendredi, ben, tout le monde en parle, on en parle même à la télévision commerciale. C'est surprenant, au Centre Vidéotron le 7 juillet, donc le 3 juillet à la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. Ensuite, le 19 août je pense que c'est le 18 août qu'il y a Universe Effects avec Sidemind au Cercle. Vous regarderez ça là, c'est des groupes de Québec vraiment excellents. On aura d'ailleurs une pièce de Universe Effects dans le deuxième bloc. On a également rendu au mois d'août, c'est Anathema à la salle Multi le 19 août. Il y a Stickman également le 25 août qui s'en vient. Alors le 9 septembre Spock's Beard, le 15 septembre Mystery au Cercle, le 18 septembre Yes, Anderson Robin Wakeman, plein de bons spectacles. Et également les 6 et 7 octobre Roger Waters au Centre Vidéotron, le 8 octobre Universe Unreal City présenté par Terra Incognita. Donc allez faire un tour sur notre page terraincognita.québec pour voir tous les détails. Unreal City donc qui viendront nous présenter Framenti Notturni. On n'aura pas d'Unreal City ce soir, mais on a bien hâte d'entendre leur nouvel album qui va paraître le 10 septembre, il me semble. Alors on y va tout de suite en musique. Il y a également Prog Story avec plein de bons musiciens là, du Québec, de Québec, 13 et 14 octobre à la salle Jean-Paul Tardy. Les 21 octobre également Pendragon. Ça c'est ça s'en vient là, les spectacles, c'est incroyable. En plus, il y a le festival d'été à Québec. Il y en a pour tous les goûts. Puis là, on va vous faire une excellente show musicale donc de Bruno avec Mondo Drag pour débuter. Ils sont de la Californie. C'est leur premier album. Ça, c'est paru dans les 2013-2014. Verbal Delirium, ensuite, paru l'an dernier, The Imprisoned World of Fear. Ça vient de la Grèce. Et DFA de l'Italie. Ça, c'est Duty Free Area, avec une pièce en spectacle, Work in Progress Live, Ragno. Donc, on y va tout de suite en musique avec Mondo Drag. We'll be right back. CKRL. 89.1. À Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Salut, c'est Tania. Le Festival d'été de Québec fête son 50e anniversaire du 6 au 16 juillet et de mon côté, je serai à l'animation de C'est dans le sac pour une 10e année. À tous les jours du festival, je vous attends au bar Le Sacrilège où je reçois de nombreux artistes de passage pour l'événement, des invités aimés de leur public. Il y a cette fameuse fille qui m'a parlé pendant une demi-heure, m'a dit à quel point que j'étais comme un frère pour elle. Okay. Puis ensuite, elle m'a proposé qu'on couche ensemble. Pertinent. Gang, gang. I'll take the money and go. Bang, bang. Exotique. It's very difficult to explain people because this is the only French word I know how to spell. C'est dans le sac, édition 2017. Un rendez-vous du 6 au 16 juillet de 15h30 à 17h30. Une présentation du bar Le Sacrilège. De retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. Vous avez écouté le groupe DFA, Duty Free Area, un groupe de l'Italie. C'était tiré de Work in Progress Live en 2011, un groupe qu'on a pu voir à Montréal en 2009 lors du FMPM. Et depuis, il y a un des musiciens du groupe qui est décédé, donc le groupe s'est dissous. Avant, on avait eu Verbal Delirium, c'est un groupe de la Grèce, c'est tiré de leur album The Imprisoned Words of Fear, paru l'an dernier, la pièce In Memory, et on avait débuté avec Mondo Drag de la Californie et la pièce Plumagilla, je sais pas. Alors, on poursuit avec le choix musical de Bruno et ben il a pensé évidemment aujourd'hui c'est la fête du Canada, on a des bons groupes canadiens, des bons groupes québécois. Alors, on va y aller avec Universe Effects qu'on a pu voir au festival Terra Incognita, In the Haze That Surrounds Us, leur premier album, la pièce Equilibrium. On aura également Prog Collective avec l'album Epilogue et également Ostsonaten, la symphonie, donc numéro 1, le plus récent album paru l'an dernier. On y va tout de suite en musique avec Universe Effects. Amazing.

one-sided disconnection. The puzzle pieces slipping away. Denial of pretension. An entire life's work in decay. Holding on to them. Holding on tightly. Never let it go. Never let it go. Follows in the mind. The good and unsightly. Make a picture show. 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés. Et tu fous, je suis bien trop stone. Hey, Bière! Ah non, une fois que je prenne pof, je conduis plus. Reste-toi, Dave! Puis t'as pris juste quelques verres. Et puis deux, trois pof. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire. Allô? J'aurais besoin d'un lift. Un message de Mad Canada. Et de retour avec Bruno et Marc, et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe italien Ost Sonaten avec Fabio Zuffanti, un groupe qu'on a pu voir lors du festival Terra Incognita 2017, qui a eu lieu en mai, et au Centre d'art de la Chapelle, et c'était Symphony No. 1, Cupid and Psyche, deux extraits en fait de Sacrifice et Zephyr. Qu'ils ont interprété lors de cette soirée, c'est vraiment mémorable. Juste avant, Prog Collective, ça c'est un projet de Billy Sherwood, et sur cette pièce, Memory Tracks, c'était le chanteur Roy Albrighton. Lui, c'est le chanteur guitariste du groupe Nectar, un groupe des années 70. Il est décédé maintenant, et donc voilà, c'était de Prog Collective, et on avait débuté avec le groupe québécois canadien Universe Effects in the Haze That Surrounds Us, leur premier album, et ils seront en spectacle au Cercle le 18 août avec Sidemind, entre autres. Il y a un autre groupe au Cercle, donc Universe Effects de Québec. On poursuit avec le groupe multinational Gong, et maintenant Gong, c'est une nouvelle formation des jeunes musiciens. Tous les musiciens fondateurs de ce groupe sont maintenant décédés, et il y a des jeunes qui ont pris la relève. C'est leur album Rejoice I'm Dead, et la pièce Insert Your Own Prophecy qui débutera. On aura également Seven Impale et le groupe italien Leviathan. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Récemment sorti chez Slam Disc, Lit, le nouvel album double de Smash It Combo. Je suis venu faire premier level en appuyant le bouton start. J'ai pas l'impression de faire monter mes stats. Mauvaise direction, je me forme sur la map. Rippé rock l'univers, le plus récent EP de Rippé. Salut, bonjour, j'ai Nao, puis mon café. Ma tête est en papier, je tourne toute la journée. et Noé Talbot avec le EP « Déballer le présent extra ». Vous m'aviez tant promis un brouillon blanc sans rater. Ces sorties sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Et de retour avec Bruno et Marc pour cette émission de Rock Progressif. On espère que vous avez aimé ce que Bruno nous a proposé juste avant la pause. C'était Asia Minor, groupe de la Turquie. Et c'était leur second album, Between Flesh and Divine, paru en 1980. Et c'est c'était les petits bijoux d'album là qui datent là évidemment, puis mais qui sont peu connus, difficiles à trouver. Il y a plein d'albums rares que Bruno nous fait découvrir en général. Juste avant, Seven Impales, c'est leur plus récent album. Eux, ils sont de la Norvège. C'est Contrapasso, paru en 2016, et c'était la pièce Inertia. Et pour débuter, il y avait eu Gong de Rejoice I'm Dead, leur plus récent album paru l'an dernier avec une nouvelle équipe, et la pièce Insert Your Own Prophecy, hein, vous savez, vous avez senti qu'ils sont inspirés par David Allen et ce qu'a été la musique de Gong dans les années 60 et 70 et même 80, 90, 2000 et 2010, jusqu'à ce qu'il vraiment il a fait de bonne musique jusqu'à sa mort. On y va en musique avec Pie Fight. C'est un groupe américain. Ils ont fait un seul album paru en 1998, The Gathering of the Crumbs, quand je parlais d'albums rares. Et on écoutera la pièce Death of Time. Également Guy Leblanc, qui est un claviériste de la région d'Ottawa, qui son second album All the Rage. Bon, maintenant il est décédé. Il a fait officier au clavier pendant quand même plusieurs années avec Camel. Et bon, malheureusement, il est parti. Et on fera une transition avec l'autoroute avec Asia Minor, un second extrait du même album. Une pièce qui bouge beaucoup, comme le disait Bruno, qui fait une pièce très dynamique, qui fait une belle transition avec l'autoroute. C'est Jacques Dulac qui sera là avec vous pendant toute la nuit pour l'émission. Mais on y va tout de suite en musique, nous, avec donc le groupe américain Pie Fight. We'll be right back. Realize